La société s'assemble, seule s'assise, aïe, c'est ça les sentiments, cette sensation, c'est que ça me satiété suffisante. Ça va m'en servir dans une société savante. Trop exhaustive, la sinistre liste des aspartes, faussement sucrée, suggérée par le système de censeurs sarkozistes. Persistent les sonneurs de rêve, excite les égoïstes lueurs sans cesse. Au concept manifestement condescendant, aux idées simples mais tristement dans l'air du temps, s'asseyant sur les cicatrices si souvent suturées, de se saturer des souffrances si souvent susurées. Au concept manifestement condescendant, aux idées simples mais tristement dans l'air du temps, s'asseyant sur les cicatrices si souvent suturées, de se saturer des souffrances si souvent susurées. Oh.